comme s'il fallait se souvenir. Bonne chose, belle chose. Comme si je pouvais pas m'empêcher de me souvenir des mauvaises choses. Ha! Comme s'il en pleuvait. Comme s'il pleuvait. Sur Toulouse. Malgré tricot rose. Comme s'il pleuvait encore sur la terre. Absorbe la terre. Absorbe l'atmosphère étrange entre comme s'il pleuvait, comme si nous savions. Faisant semblant de ne pas savoir. Pas évidence devant l'évidence, nous faisions comme si ne savions pas ce qu'allait nous arriver dans la gueule. N'avions pas ce qu'allait arriver. Continue, continue. Continuum entre la folie, le normal, le pathologique. Malo. Ma fait. Quoi? Thank you.